Alors, il y aura donc deux types de personnes. D'abord, premièrement, le verset 14 dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. » Donc, nous devons être conscients que Dieu va nous récompenser. Lorsque tes œuvres sont éprouvées, si ça subsiste, tu vas être récompensé. Mais si par contre, tes œuvres sont consumées, tu vas perdre la récompense. Vous voyez ici, il faut faire la différence entre le salut et la récompense. Ici, on nous parle de la perte de la récompense. Donc, il y a des chrétiens qui sont sauvés, mais à cause de leur mauvaise manière de vivre, à cause de leur motivation qui n'est pas bonne, à cause de leur manière de vivre la vie, ils vont perdre leur récompense. C'est pourquoi il faut que chacun de nous en tienne compte. Oui, c'est vrai que nos œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres sont une évidence de notre salut. Nos œuvres seront éprouvées. Deuxième vérité, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Chaque chrétien doit être conscient de cela. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, ton corps là est devenu le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, tu ne peux plus faire n'importe quoi de ton corps. Tu ne dois pas te livrer à l'ivrognerie. Tu ne dois pas te livrer à la débauche. Tu ne dois pas te livrer à la masturbation, à l'homosexualité. Vous voyez? Donc, tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Quand tu commences à aller dans des boîtes de nuit, tu dois te poser la question, où est-ce que je suis en train de conduire l'Esprit de Dieu? Ton corps est le temple. Je vais parler à un jeune. Tu fumes encore la cigarette. Tu fumes la drogue. Est-ce que tu sais que ces choses détruisent le temple de Dieu? Parce que ton corps ne t'appartient pas. Tu es racheté à grand prix. Vous voyez, Paul dit au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, il y a des gens qui étaient inconscients. Les chrétiens de Corinthe étaient inconscients. Et ici, il y a deux éléments qui caractérisent le temple de Dieu. D'abord, il dit, « Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Donc, sache que si tu es en train de détruire le temple de Dieu par ta vie d'immoralité, Dieu va te détruire, Dieu va te punir. Si tu es en train de détruire le temple de Dieu en fumant la drogue, en fumant la cigarette, Dieu va te détruire, il va te punir. Arrête maintenant. Deuxième chose, il dit, le temple de Dieu est saint. Est-ce que tu comprends? Il y a la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de la sainteté dans nos églises. On aime parler seulement de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, mais nous oublions l'aspect sainteté. Dieu est saint. Si Dieu est saint, là où Dieu habite là, il faut la sainteté. Il dit que le temple de Dieu est saint. Nous nous rappelons encore, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, sur la montagne, au milieu du buisson, il lui a dit quoi? Ôte tes souliers parce que le lieu où tu te trouves est saint. Dieu n'habite pas dans la saleté. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans la saleté. Le temple de Dieu est saint. Ton corps est le temple de Dieu. Donc, tu dois demeurer dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est péché. Le péché suit le temple de Dieu. Il dit au verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. » Et c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, de par ta position en Jésus, quand tu as accepté Jésus, tu es séparé du monde. Tu dois te considérer comme tel et tu dois refléter la sanctification de manière progressive dans ta marche de tous les jours. Troisième vérité, recherchons deux choses. La sagesse de Dieu et la gloire qui vient de Dieu et non celle qui vient des hommes. Vous voyez, ici, il est dit au verset 18 que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Vous voyez, il y a des gens qu'on considère comme sages dans ce monde. Ce sont des gens qui ont de grands diplômes, des philosophes. Mais la sagesse de ce monde est considérée comme une folie. Si tu t'appelles sage et que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ, donc aux yeux de Dieu, tu n'es pas sage. Parce que tu as la sagesse de ce monde. Tu dois rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Vous voyez, il dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et il dit au verset 21, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Vous voyez, les gens qui mettent la gloire dans des hommes, ce sont les gens qui se frappent la poitrine à cause de leur poste. « Moi, je suis directeur général. Moi, je suis PDG. Moi, je suis PCA. Moi, je suis ministre. Je suis ambassadeur. Moi, j'ai diplôme d'agrégation. Moi, j'ai ceci. » Ça, quand tu te frappes la poitrine, tu mets la gloire dans les hommes. Mais nous devons glorifier plutôt le Seigneur Jésus. Parce que la gloire des hommes de ce monde est passagère. Regardez, il y a des gens qui ont eu beaucoup de voitures, des gens qui ont eu des villas, mais ils sont morts, ils sont passés. Donc au lieu de rechercher, de mettre notre gloire dans les hommes, recherchons la gloire de Dieu. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons l'adorer à travers ce cantique. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Irène, tu n'as pas d'autorité. Autorité, Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Gloire au Seigneur. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Élevons ensemble nos voix. Glorifions son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radiofréquence Vie, qui est la nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp et qui partagent avec leurs amis partout dans les 5 continents, en dehors de la Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, tout comme en Asie. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 23. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse produire des bonnes œuvres dont il est conscient qu'il recevra la récompense. Donc, nous devons produire des bonnes œuvres, sachant que nous serons récompensés. Mais nous devons produire des œuvres qui ne seront pas consumées par le feu, mais des œuvres qui seront récompensées au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Ce matin, nous prions au Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu veilles sur nous afin que nous puissions toujours produire de bonnes œuvres. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous ne soyons pas exposés. Mon Dieu en qui nous nous confions, fais en sorte que nous produisions de bonnes œuvres afin que, au jour du jugement, nous soyons élevés. Nous prions au Père éternel et nous nous élevons contre tout obstacle, contre tout blocage, contre tout ce qui nous empêche de produire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de ministère, en termes de contribution à l'avancement de ton œuvre. Nous déclarons au Père éternel que tout obstacle à la production des bonnes œuvres est ôté. Merci, Papa, parce que tu nous donnes la force. Merci Père éternel, parce que tu nous sécurises. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que leurs œuvres, leurs activités soient sécurisées dans le sang de Jésus-Christ. C'est en son nom précieux que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ce passage vient de nous dire que nous sommes les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne devons pas détruire le temple de Dieu parce qu'il est saint. Demandons pardon à Dieu si nous nous rendons compte que nous avons des attitudes ou nous posons des actes qui détruisent le temple de Dieu. Par exemple, la drogue, la cigarette, l'immoralité et tout ce d'actes. Demandons pardon au Seigneur et prions pour que réellement nous puissions vivre dans la sanctification parce que le temple de Dieu est saint. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, parce que tu nous as fait encore la grâce de voir ce merveilleux jour. Merci déjà pour cette année, les jours qui sont passés, et tu es en train de nous fortifier. Tu es en train de nous donner de la grâce, ta faveur, ta bénédiction. Pour cette semaine, que ton nom soit loué. Merci déjà, parce que tout ce qui est en nous te loue. Tout notre esprit, âme et corps te glorifie, parce que tu es un Dieu saint. Et tu veux que nous t'adorons dans la sainteté, surtout dans la consécration. Car dans le ciel, les anges ne cessent de t'adorer saint, saint et saint. Nous voulons les imiter. C'est pour cela que nous prions que tu nous aides à fuir le péché, à renoncer à l'immoralité sexuelle, à renoncer à l'impudicité, à renoncer, Seigneur, à la cigarette et à la drogue, à renoncer, Seigneur, au vol, au mensonge et à toutes sortes de péchés qui nous empêchent de voir ta gloire. Seigneur, écoute la prière de ma sœur qui se répand sincèrement de son péché, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à oublier ce que son mari lui a fait. Je te demande pardon, touche-la, parle dans son intimité à ta fille. Merci Seigneur notre Dieu pour ce frère aussi qui renonce à ce péché dans lequel Seigneur il est et qui est en train de lui causer des torts. Il veut abandonner, il ne sait que faire, mais ce matin il te demande de l'aider. Merci parce que tu es venu Jésus pour nous aider. N'abandonne pas donc ce frère, aide-le. Père, quels que soient les liens de péché, les chaînes qui nous entraînent dans le péché, les chaînes dans lesquelles nous sommes dans le péché, nous prions que tu les brises au nom de Jésus-Christ. Nous voulons renoncer, abandonner, confesser le péché qui nous outrage, que nous entraînons. Merci de nous sanctifier. Merci de nous donner d'avancer avec toi. Merci de croire que tu nous as pardonné. Et merci de nous bénir encore aujourd'hui et cette semaine. Merci d'étendre ta main puissante pour nous accompagner et de nous faire échapper de tout péché, de tout danger. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ne devons pas rechercher la sagesse de ce monde, mais recherchons la sagesse de Dieu. Ne recherchons pas non plus la gloire de ce monde. Ne mettons pas notre confiance dans la gloire des hommes. Prions le Seigneur pour dire, Seigneur, moi, je veux avoir ta sagesse et non pas la sagesse de ces siècles. Je veux rechercher ta gloire et non mettre ma gloire dans les hommes, dans le bien de ce monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Tendre Père, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de nouvelles sources, tu es toujours là. Tu as toujours été là. Merci pour cette constance. Merci pour la manifestation de ton amour à mon égard. Je m'associe à mon frère. Je m'associe à ma sœur qui prie avec moi ce matin. Et nous te demandons, ô Père éternel, de nous donner la sagesse, de nous accorder la sagesse qui vient de toi et non la sagesse des hommes. Ta parole déclare que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et toi, tu la lui donneras. Tu la lui donneras, ô Père éternel, afin que ton nom soit toujours glorifié. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous ne puissions pas courir vers des choses vaines, mais que nous nous appuyons sur toi, que nous nous appuyons sur ton nom qui est une tour forte. Et lorsque le juste s'y réfugie, il est en sécurité. Fais en sorte, ô Père éternel, que la gloire que nous recherchons soit toujours une gloire qui contribue à ton élévation. Nous ne recherchons pas une vaine gloire. Nous nous sommes appuyés sur toi. Tu es notre soutien. Tu es notre guide. Merci Père éternel pour cette constance dans la relation avec toi. Nous nous élevons contre toute confusion, toute forme d'orgueil, toute manipulation des puissances des ténèbres, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour toutes choses, Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.